Chapitre 32e. Voyage au Niagara, le Hudson, West Point, Hyde Park, Albany, Yankees, chute d'eau de Trenton, Rochester, chute d'eau de Genesee, Lockport. Comme les semaines s'écoulent rapidement dans une ville comme New York, surtout quand on compte parmi ses amis quelques-unes des personnes les plus aimables des deux hémisphères. Mais nous avions encore un long voyage à faire, et il nous restait à voir une des merveilles du monde. Nous partîmes le 30 mai pour le Niagara. J'avais tant entendu parler de la beauté sans égale de la rivière du Nord que je m'attendais à être désappointé et à trouver la réalité fade après la description. Mais il n'est pas au pouvoir de l'homme de peindre avec une force supérieure à celle de la nature des scènes semblables à celles que présente la Hudson. Chaque mille offre quelques nouvel effet surprenant, résultant de la combinaison des rochers, des arbres et de l'eau. Depuis le moment où vous entrez sur la rivière à New York jusqu'à celui où vous la quittez à Albany, ce qui comprend une distance de 180 milles, vous n'avez pas en vue un seul instant un pays plat ou insipide. Pendant les premiers 20 milles, la rivière du New Jersey sur la gauche présente un mur de rochers presque continu qui, d'après sa forme perpendiculaire et ses fentes, est appelé les palissades. Ce mur tantôt s'élève à la hauteur de 150 pieds et tantôt retombe à 20 pieds de terre. Un ruisseau en rompt çà et là l'uniformité, et partout le feuillage le plus brillant, dans toute la splendeur du climat et de la saison, bordait et variait cette sombre barrière sur l'autre rive. L'île de Manhattan, avec sa couronne de feuilles parsemées de vita, forme un contraste agréable avec ses hauteurs rocailleuses. Au-delà de cette île, la rive orientale prend graduellement un caractère sauvage et montueux, mais toujours varié. Des bois, des prairies, des pâturages et des rochers escarpés s'offrent successivement au regard, tandis que le gigantesque bâtiment à vapeur remonte rapidement la rivière. Pendant plusieurs milles, le voyage offre beaucoup d'intérêt, indépendamment de la beauté du local, car on passe par plusieurs endroits où eurent lieu quelques événements importants de la guerre révolutionnaire. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur que je vis l'endroit où le pauvre André fut fait prisonnier et celui où il fut exécuté. Plusieurs forts placés sur les situations les plus élevées indiquent encore, par leurs ruines délabrées, les lieux où la lutte a été la plus forte, et j'éprouvais cet intérêt moral, dont l'absence se fait si entièrement sentir dans les nouveaux états et sans lequel nul voyage, je crois, ne peut durer longtemps sans ennui. À environ 40 milles de New York, on entre dans les Highlands, comme on appelle une suite de montagnes qui flanque alors la rivière des deux côtés. La beauté de cette scène ne peut se concevoir qu'en la voyant. On pourrait s'imaginer que ces masses capricieuses, avec leurs variétés innombrables d'ombre et de lumière, ont été jetées ensemble pour prouver quel charme pouvaient avoir des rochers, de l'eau et des bois. Quelquefois, un pic élevé s'élance tout à coup vers le ciel, se dessinant en relief sur le firmament, et ensuite un profond ravin, s'enfonçant dans une ombre solennelle, entraîne l'imagination dans ses profondeurs couvertes de feuillage. Pendant plusieurs milles, la rivière semble former une suite de lacs. Souvent, on est entouré de toutes parts de rochers qui s'élèvent sur le bord même de l'eau. Alors on tourne une pointe, la rivière s'élargit, et des bois, des prés et des villages se réfléchissent de nouveau sur son sein. La prison d'État de Sing Sing se trouve sur la rive, et elle ne produit pas un effet pittoresque qui indemnise des idées pénibles qu'elle fait naître. Le Sleepy Hollow de Washington Irving, qui est précisément au-dessus, remonte l'imagination sur un meilleur ton. West Point, l'école militaire des États-Unis, est à 50 milles de New York. Le paysage qui l'entoure est magnifique, et quoique les bâtiments de cet établissement soient construits avec la régularité, plus belle que pittoresque, qui caractérise les ouvrages des gouvernements, ils sont placés dans une situation si noble et tellement environnés de bois qu'ils paraissent très beaux. Les accents prolongés d'un corps qui accompagnait sans doute quelques manœuvres militaires résonnaient avec une douceur imposante et solennelle tandis que nous passions. À environ 30 milles plus loin, on trouve Hyde Park, demeure magnifique du docteur Hozak. Là, le sommet nuageux du Catskill, encore bien éloigné, commence à former l'arrière-plan du paysage. Il est à peine possible de se figurer rien de plus beau que cet endroit. Nous y passâmes un jour avec délices et le lendemain matin, nous partîmes de nouveau dans un de ces grands hôtels flottants, nommé bâtiment à vapeur. Ce jour-là, ou celui d'auparavant, nous avions à bord 200 passagers, et tous s'assirent autour d'une table servie avec profusion et avec beaucoup d'élégance. Une suite continuelle de maisons de campagne, dont plusieurs sont très belles, borde la rivière jusqu'à Albany. Nous y arrivâmes un peu tard dans la soirée, mais nous n'eûmes pas de difficulté à y trouver un excellent logement. Albany est la capitale de l'État de New York, et l'on y voit quelques beaux édifices publics. Il s'y trouve aussi quelques restes curieux des anciens habitants hollandais. En partant d'Albany, nous fîmes les premiers 16 000 dans une diligence pour éviter une multitude d'écluses à l'entrée du canal de Erie. Mais à Schenectady, nous montâmes à bord d'un des paquebots du canal pour aller à Utica. Avec une société délicieuse qu'on aurait choisie soi-même, un beau temps, une chaleur modérée et une forte brise pour chasser les mosquites, ce mode de voyager pourrait être fort agréable. Mais je ne puis m'imaginer aucun motif de convenance assez puissant pour me déterminer jamais à m'emprisonner une autre fois dans un des paquebots de canal dans des circonstances ordinaires. Le local n'étant pas grand, du moment qu'on monte à bord, chacun agit d'après le système d'égoïsme le plus éhonté. La bibliothèque, contenant une douzaine de volumes, le tric-trac, les petits lits de repos, le côté de la cabane où on est à l'ombre, tout cela devient le prix de la course, et l'on est forcé d'envier le sort du limaçon. Quant à moi, j'aurais volontiers en ce moment renoncé à quelque chose de ma dignité humaine pour avoir une coquille dans laquelle je puisse me retirer. Pour quelqu'un qui était habitué en voyageant à s'entendre dire « Asseyez-vous ici, vous y serez plus à l'aise. » Les mots « Il faut que vous alliez là, j'ai pris le premier cette place-ci » sonnent aux oreilles d'une manière peu musicale. Les Américaines sont fort paisibles. Je parle des manières extérieures de celles que j'ai rencontrées par hasard. Mais quoi qu'il en soit, je ne donnerai jamais à cette tranquillité le nom de douceur. Dans les moments difficiles, comme celui de choisir sa place sur un paquebot, les hommes sont prompts, déterminés, et ils ne s'inquiètent des aises de personne que des leurs. Les femmes tiennent opiniâtrement à leur volonté. Et jusqu'à ce que tout soit arrangé, elles ressemblent à des porcs-épics dont chaque poil est hérissé, comme pour intimider quiconque voudrait s'y frotter. Dans des circonstances où une Anglaise montrerait de la fierté, une Française de la nonchalance, une Américaine paraît prête à montrer les dents. Même les plus jeunes et les plus jolies savent se pincer les lèvres, froncer les sourcils, et se montrer aussi insociables et aussi rébarbatives que leurs aïeules. Quoique nous ne fussions pas dans le pays des Yankees, c'est-à-dire la Nouvelle-Angleterre, nous en étions assez près pour rencontrer dans les diligences et dans les paquebots des échantillons délicieux de cette race très particulière. Ils me plaisent extrêmement, mais je n'aimerais pas avoir à traiter affaire avec eux, de peur, pour me servir de leurs propres expressions, qu'ils ne fussent trop fins pour moi. Il n'est nullement rare, dans ce monde affairé où nous vivons, de rencontrer des gens qui portent la finesse jusqu'aux dernières bornes de l'honnêteté, et quelquefois même un peu au-delà. Mais je crois que les Yankees sont les seuls qu'on entendra s'en vanter. Il n'est nullement aisé de donner une idée claire et juste d'un Yankee. Si vous écoutez un Virginien, vous le croirez un diable. Si vous l'écoutez lui-même, vous pourrez vous imaginer que c'est un dieu, quoiqu'un dieu rusé. Mercure, devenu juste et respectable. Matthews les a parfaitement imités. En ce qui concerne leur « je compte, je calcule, je suppose », mais tout cela n'est que l'écorce, et il y a dans l'intérieur une masse de douceur et d'amertume. Le Yankee ressemble à l'Écossais par la finesse, la circonspection, l'industrie et la persévérance, et au Hollandais par l'habitude de la propreté et de la frugalité. Il ressemble beaucoup aux enfants d'Abraham, par l'amour du lucre, mais par le franc aveu qu'il fait de toutes les qualités qui le caractérisent, et par l'admiration portée au plus haut point qu'il en conçoit, il ne ressemble à rien sur la terre qu'à lui-même. Les Quakers sont renommés par l'opiniâtreté avec laquelle ils évitent de faire une réponse directe. Mais quel Quaker pourrait jamais lutter contre un Yankee dans ce genre d'escrime? Rien ne peut égaler leur adresse à éluder une question, si ce n'est celle qu'ils mettent à en faire. En rapportant une conversation que j'ai entendue à bord du canal de Erie, je crains de la gâter, en oubliant quelques-uns des petits faux-fuyants adroits qui m'enchantèrent. Cependant, je la mis par écrit sur le champ. Les deux interlocuteurs étaient Yankees, mais étrangers l'un à l'autre. L'un d'entre eux était parvenu à savoir peu à peu d'où était parti et où allait chacun de ceux qui étaient à bord. Il attaqua enfin le renard son frère, ainsi qu'il suit. « Eh bien, de quel côté voyagez-vous à présent ?»« Je crois que ce canal coule à peu près vers l'Occident. » »« Le suivez-vous bien loin ?»« Je ne saurais dire pendant combien de milles. » »« Je compte que vous êtes de New York ?»« Bien sûr, j'ai été à New York, et plus d'une fois. » « Je calcule donc que ce n'est pas là que vous demeurez. »« Il faut songer aux affaires, tant chez soi qu'en voyage. »« Vous pouvez bien le dire. Eh bien donc, je suppose que vous allez aux sources. »« On dit que tout le monde va aux sources, et je compte qu'elles valent la peine d'être vues. »« Comptez-vous vous arrêter longtemps quand vous aurez fini votre voyage ?»« Ce sont mes affaires qui en décideront, à ce que je calcule. »« Je compte que cela est vrai aussi, mais je suppose que pour une fois vous faites du plaisir à votre affaire. » Les miennes ne sont pas souvent de ce genre. Ce ne sont peut-être pas les sources qui vous font aller de ce côté. Les sources sont un fort bel endroit, à ce que je compte. Je suppose que c'est votre santé qui vous fait transgresser vos sages principes. Ma santé ne m'inquiète pas beaucoup, à ce que je compte. Non, tant mieux. Comment vont les marchés, monsieur? Les grains sont-ils à la hausse? C'est ce que je ne saurais dire. On peut gagner beaucoup d'argent en les achetant de première main. Vous pouvez bien le dire. Comptez-vous faire de grandes affaires en remontant dans le pays ? Je calcule que c'est ce qui est difficile à savoir. Je compte que vous trouverez que les prix varient dans les marchés par les temps qui courent. Il est rare que les prix ne varient pas dans les marchés. C'est encore vrai. Quel est votre principal article de commerce ? Je calcule en général que le principal est celui auquel je gagne davantage. Sans contredit. Mais quelle est votre branche particulière ? C'est ce que je ne saurais dire précisément. Et ils continuèrent ainsi, sans avancer ni reculer d'un pouce, et enfin, fatigué de les écouter, je les laissai au milieu de leur entretien, et j'allai reprendre ma place sur la proue du paquebot, en m'asseyant sur une malle. J'inscrivis sur mon portefeuille cet échantillon d'une conversation entre deux Yankees. Le canal de Erie a été taillé dans le roc en beaucoup d'endroits, et nous passions souvent entre des rochers magnifiques. Les petites cascades de Mohawk forment une scène charmante, et les rochers entre lesquels coule la rivière offrent les formes les plus fantastiques. La chute d'eau continue pendant près d'un mille, et un joli village nommé Little Falls la domine. Comme il y a beaucoup d'écluses en cet endroit, nous quittâmes le paquebot pour mieux jouir de l'aspect des lieux qui offrent le caractère le plus sauvage. Plusieurs autres passagers en firent autant, et un de nos Yankees, qui nous avait accompagnés, m'amusa beaucoup en me faisant remarquer l'état de nature dans lequel se trouvaient les environs, et pour m'en expliquer la cause, il me dit que tout ce terrain avait appartenu à un Anglais. « Vous m'excuserez, madame, » ajouta-t-il, « mais quand un Anglais possède un terrain comme celui-ci, il ne s'est pas en tiré parti comme nous. Mais l'Anglais l'a vendu, et si vous aviez occasion de le revoir dans 5 ans, vous ne le reconnaîtriez pas. Je vous garantis qu'il s'y trouvera alors une dizaine de fabriques. » « C'est une véritable honte de ne tirer aucun avantage d'une chute d'eau si profitable. » Nous arrivâmes à Utica le lendemain à midi, assez fatigués d'avoir été exposés au soleil pendant le jour et enfermés pêle-mêle dans une cabane pendant la nuit. Le jus de citron et de l'eau à la glace, sans sucre, nous maintinrent en vie. Sans ce délicieux breuvage, des éventails en plumes et de l'eau de Cologne, je crois que nous serions tombés en défaillance. Le thermomètre était à 90 degrés. À 2 heures, nous partîmes dans une voiture légère et agréable pour Trenton Falls, excursion délicieuse de 14 milles. Cette cataracte, depuis quelques années, ne le cède en célébrité qu'à celle du Niagara. Le West Canada Creek, qui dans les cartes n'a l'air que d'un misérable ruisseau, s'est frayé un chemin jusque-là à travers 3 000 de rochers qui, en beaucoup d'endroits, ont 150 pieds de hauteur. Une forêt de cèdres énormes en couvre le sommet, et il s'en trouve un grand nombre dont les branches s'inclinent comme celles du saule pleureur. Ils croissent dans les fentes des rochers, et dans quelques endroits leur feuillage se baigne presque dans le torrent. Le roc est d'une pierre calcaire d'un gris foncé, et il présente souvent aux yeux un mur d'une surface uniforme. Près de l'hôtel est un escalier dont les marches effrayantes conduisent jusqu'au lit de la rivière, et quand vous y arrivez, vous vous trouvez enfermé dans un abîme qui n'a d'ouverture visible qu'au-dessus de votre tête. Le torrent s'y précipite avec une rapidité inconcevable. La couleur de ses eaux paraît noire comme la nuit, et le sombre rebord de rochers sur lequel vos pieds sont appuyés y est de niveau d'une manière si perfide que rien ne vous avertit du danger que vous courez. Il y a environ 3 ans, 2 jeunes gens, quoique entourés de leurs amis, s'avancèrent d'un pouce trop loin et disparurent comme par enchantement pour ne jamais se remontrer sur la scène du monde. Ce rebord plat et large ne va que jusqu'à une certaine distance, et alors le mur perpendiculaire semble vous défendre d'aller plus avant. Mais il n'est rien que l'esprit de l'homme ne brave, et il ne se laisse arrêter ni par les rochers ni par les flots. À l'aide de la poudre à canon, on a fait sauter une masse de rochers suffisante pour former un sentier effrayant autour d'une pointe qui, lorsqu'on l'a doublée, laisse voir un monde de cataractes tombant de toutes parts avec une confusion magnifique. Je souffris considérablement avant d'atteindre l'endroit où cette grande scène s'offre aux yeux. Une chaîne, fortement attachée au rocher, sert à vous soutenir tandis que vous rampez sur un sentier si propre à donner des vertiges. Cette chaîne m'aida à arriver jusqu'à ce point, mais là elle finit et avec elle disparut mon courage. Mes compagnons allèrent encore un peu plus loin et ils me dirent que le spectacle y devenait encore plus sublime. Mais mes genoux tremblaient, la tête me tournait, et tandis que les autres avançaient avec précaution, j'allais m'asseoir, pour attendre leur retour, sur la plateforme de rocher que nous avions trouvée après avoir descendu l'escalier. 150 pieds de rocher nu et noir d'un côté, de l'autre une hauteur semblable couronnée de cyprès majestueux, un torrent d'une profondeur inconnue mugissant au milieu, le souvenir tout récent de l'événement horrible que je viens de rapporter, et l'idée de mes enfants qui étaient encore sur le sentier effrayant que j'avais quitté, tout cela formait un ensemble assez sombre. Mais quelques instants après m'être assise, un coup de tonnerre épouvantable ébranla l'air, et les échos du fond de l'abîme le répétèrent plusieurs fois. Je crus sentir trembler le rocher sur lequel j'étais placé, mais du reste, l'effet qui en résultait était si imposant que je n'eus plus le temps de songer à la crainte. Mes enfants revinrent presque en ce moment, et nous jouîmes ensemble des effets de l'ombre qui obscurcissaient encore le fond du gouffre, du bruit que faisaient à l'envi le torrent et l'orage, et de cette délicieuse exaltation d'esprit qui fait qu'on ne songe plus au danger. Quelques grosses gouttes de pluie nous alarmèrent plus que toutes les terreurs de ce lieu, ou plutôt, elles nous rendirent l'usage de nos sens, et remontant l'effrayant escalier, nous arrivâmes à l'hôtel sans accident. Le lendemain matin, nous nous levâmes de très bonne heure. L'orage de la nuit précédente avait rafraîchi l'air et renouvelé nos forces. Nous prîmes alors une route différente, et au lieu de descendre comme la veille, nous montâmes sur le rocher à travers la sombre forêt, et nous nous approchâmes assez près du bord pour entrevoir de temps en temps la scène effrayante que nous avions sous nos pieds. Au bout de quelque temps, le sentier que nous suivions commença à descendre et nous conduisit enfin au shanty dont parle Miss Sedgwick dans son ouvrage intitulé « Clarence ». C'est décidément de là qu'on a le meilleur point de vue de la cataracte. Il y a en face du shanty un petit balcon, littéralement suspendu sur le tourbillon effrayant des eaux. Quelque frêle que soit ce soutien, il fait croire qu'on est en sûreté. Et il me rappela la sensation que j'éprouvais un jour que j'étais d'un côté d'une haute barrière à claire-voie, regardant un taureau qui mugissait de l'autre. Les murs de ce chantier sont entièrement couverts d'autographes, et j'étais disposé à rire comme tant d'autres de ce faux égotisme quand un de nos compagnons découvrit au milieu de ce griffonnage les mots « Trollope, Angleterre ». La vue de ces caractères bien connus causa de tels transports de joie que je crois qu'il ne m'arrivera plus de rire de qui que ce soit pour avoir laissé son nom dans un endroit où il est possible qu'un ami le trouve. Nous retournâmes à Utica pour dîner et nous apprîmes que nous devions attendre jusqu'au lendemain la voiture de Rochester ou nous résoudre à monter encore une fois à bord d'un paquebot. Notre impatience nous fit préférer la seconde alternative, peu sagement, je crois, car nous y éprouvâmes un redoublement de contrariété. La contrée de l'Oneida et du Genesee est extrêmement belle, mais si nous n'étions pas revenus par une autre route, nous ne l'aurions connue que très imparfaitement. On ne voit que très peu de choses quand on est sur le canal, et le peu qu'on voit, on le voit mal. Mon principal amusement consista, je crois, dans le nom des lieux. Une ville, composé d'une boutique de marchands de whisky et d'un magasin, se nomme Port Byron. À Rome, le premier nom que je vis sur une boutique fut Rémus, ce qui faisait, je crois, beaucoup d'honneur aux connaissances classiques des parrains et des marraines. Mais je ne finirai pas si je voulais rapporter toutes les gentillesses de ce genre que nous rencontrâmes. Nous arrivâmes à Rochester, distance de 140 000, dans le cours de la matinée après notre départ d'Utica, bien déterminés à ne jamais remettre le pied sur un paquebot de canal, du moins en Amérique. Rochester est une des villes les plus célèbres bâties en bois. On y trouve plusieurs édifices splendides construits de cette manière, et certainement plus de maisons, de magasins, de fabriques et de machines à vapeur qu'on n'en vit jamais ensemble dans le même espace de terrain. Mais un de mes compagnons de voyage me dit que les souches de la forêt sont encore solidement enracinées dans toutes les caves. La cataracte du Genesee touche presque à la ville, et dans le cours de quelques mois, elle en sera peut-être le centre. C'est une superbe nappe d'eau dont la chute perpendiculaire est de 160 pieds. Je la vis d'abord de la fenêtre d'une fabrique, mais cette vue ne me suffisant pas, on me conduisit obligeamment à la porte d'un moulin à scier. En un mot, cette chute d'eau profitable a été si ingénieusement mise à profit qu'il ne se trouve pas un seul point dans toute la ville où son bruit et son mouvement ne se mêlent et ne se confondent avec le bruit et le mouvement des machines admirables de cette cité florissante. Cette cataracte est devenue célèbre par la témérité funeste d'un écervelé nommé Sam Patch. Il en avait déjà fait le saut auparavant, et il était revenu en sûreté sur la surface de l'eau. Mais cette dernière fois, on le vit hésiter avant de sauter, et il ne reparut jamais. Il semble qu'il avait quelques pressentiments de son destin. Il avait un ours, qu'il prenait toujours avec lui dans toutes ses entreprises audacieuses. Cet animal ne manquait jamais de sauter après son maître, et ne s'était jamais fait aucun mal. En cette occasion, il le laissa à un de ses amis, à qui il le légua s'il ne revenait point. Nous avons vu cet ours, qu'on garde dans le principal hôtel de la ville. C'est une noble créature, et il est plus familier qu'aucun animal de son espèce que j'ai jamais vu. À chaque pas de notre voyage, la contrée prenait un aspect plus sauvage. Une forêt impénétrable bordait souvent la route pendant plusieurs milles, et la voie d'une hutte bâtie en bois était un événement. Néanmoins, pendant la plus grande partie de la journée, la route était bonne, et elle suivait une hauteur naturelle qui avait précisément la largeur nécessaire pour y passer. C'était une élévation d'un genre fort singulier, et d'après toutes les questions que je pus faire, je vis que l'opinion générale était qu'elle avait autrefois formé les limites du lac Ontario, qui en est voisin. La fin de cette hauteur fut aussi celle de la bonne route, et pendant tout le reste du voyage jusqu'à Lockport, nous fûmes si cruellement secoués et cahotés sur des chemins pavés en troncs d'arbres et à travers des marécages que tous nos membres en furent presque disloqués. Lockport est sans comparaison la ville la plus étrange que j'ai jamais vue. Dès qu'une demi-douzaine d'arbres étaient abattus, on voyait s'élever quelques fabriques. Des souches disputent encore le terrain aux piliers, et des portiques luttent contre des rochers. On dirait que le démon des machines, ayant envahi les domaines paisibles de la nature, a fait le choix de Lockport comme d'un champ de bataille pour y disputer l'ascendant. Ce démon force les rivières à suivre une certaine pente, quoique leur bonne mère leur en ait donné une autre, et il faut que les rochers tombent devant lui et prennent telle forme qu'il lui plaît de leur donner. La bataille est perdue et gagnée. La nature a été mise en déroute et expulsée de son empire, et le démon bruyant, sifflant, fendant, mugissant, a pris possession de Lockport pour toujours. Nous y passâmes la nuit assez mal. Je ne me suis jamais senti plus d'humeur contre ce que les Américains appelle « amélioration ». Dans le fait, Lockport, tel qu'il existe aujourd'hui, est un endroit hideux, et ce fut avec grand plaisir que j'en partis. Nous arrivâmes ensuite à Lewiston. Pendant quelques milles auparavant, nous étions en vue des frontières anglaises et nous leur fîmes notre salam. Le monument du brave général Brock est placé sur un point élevé près de Queenstown et on le voit de très loin. Nous déjeunâmes à Lewiston, mais nous nous reprochions chaque tasse de café comme un péché, tant nous étions impatients, à mesure que nous approchions du but de notre long pèlerinage, d'arriver à la chapelle que la nature semble avoir placée à une telle distance de ses adorateurs pour mettre à l'épreuve la force de leur dévotion. Quelques milles de plus nous auraient conduits au maître-autel, mais nous avions d'abord à passer le bac, car nous étions déterminés à être sur le territoire anglais pour en avoir la première vue. Le Niagara est fort beau en cet endroit, les rives en sont escarpées et raboteuses, les bois et les rochers leur donnent un riche coloris, et l'eau en est claire, brillante et d'un vert admirable. Un homme qui passait le bac avec nous fit quelques questions au batelier sur la bataille de Queenstown. C'était un jeune homme, et il ne pouvait s'en rappeler que bien peu de détails, mais il était anglais, et ses réponses sentaient fortement la loyauté anglaise. Entre autres choses, le questionnaire lui demanda si beaucoup de citoyens américains n'avaient pas été jetés des hauteurs dans la rivière. « Mais oui, répondit le jeune batelier, il y en a eu un assez grand nombre, mais il était bon de leur apprendre qu'il y avait de l'eau entre nous. Et vous savez que cela pouvait aider à empêcher les autres de venir nous troubler sur notre terrain. » Ces mots, notre terrain, prêtaient de l'intérêt à chaque mille que nous faisions, sans quoi je crois que j'aurais fermé les yeux et que j'aurais tâché de dormir pour anéantir ce qui restait de temps et d'espace entre moi et le Niagara. Mais j'étais enchanté de voir des chênes anglais, des toits anglais, des enfants des deux sexes anglais. Ceci, comme pour nous prouver qu'ils n'étaient pas des citoyens, nous faisait fort saluer et révérence tandis que nous passions. Et ce petit acte d'une civilité que nous n'avions pas rencontrée depuis longtemps produisit sur nous un grand effet. Voyez ces chers enfants, maman, n'ont-ils pas l'air anglais? Combien je les aime! Telle fut l'exclamation qui en fut la suite.